c'est M mon pas au mon compte le maximum. Kabamba, assez été communication. Amen. chumba. Oya papa papa papa papa bachina boya bina bana mara bi bobo bo. Jean Charles Lokoto Lola Kumbi, Yves Bandoudi. Bose kangate nazo meka. Babu, tala ikuma loketo cheneta or blanc. A maman nyangu, babu elo konini. Ngambo, ngambo mosusu bando twa mabe. Pourquoi vraiment lingi o sacrifie ngai oboto la naïvi. Babu, yangai me. Est-ce que vraiment il faut d'amour pour y ba sentiment ngai? Est-ce que vraiment il faut maloba pour y ba ngana lingi yo? Liki nango yo nanu ba chauffate kombo nungu. Babu mama na kasirumbe. Na saï saï na Londres à la jado. Gana linga kaosi kaka. Nino pembe diamo ya joyeri. Gana linga katango de naka. Ade macha Jennifer Lopez. Soko tele mi pembe nya ebale. Aye boya kakutu kuleka. Pona kota la kabote niyo. Le chic type de Londres nono yingo na Bond Street. Babu mutu akosi makate. Esi kolobo kweko makate. Poko komi oko ma inaccessible. Ora rizo da muna ngeye. Yo me minga inzoto na salde mo. Nanu na kufete babu. Est-ce que vraiment babu komi koke mo? Oui vena moleka. Moliko na iwe tianga bilembo. Partout baye binga iwa yo. Bolingo na iwe koma habitude. Ole kamai uye suko la kanzoto. Bongolo biyo nangana nzela kara kara. Devora kufana na vanjurango. Jomo de jour na be jour de malheur. Jour de mauvais temps. Jean-Jacques Bayonne. Est-ce que ça te va ça? Abraham Matine le temple. Freddy Masombo le gros lot. Tola l'impératrice, Eric Tola, empereur Hirohito, Elvis Boibanda de Genève. Les sangoyeurs et payotikina, papa me makasi. Tango katisa kina mwebale, ebo matiola kapenga ye. Mulolo ya ebale na putu, ezo zipa momo mona baye. Atarangangi kolutantambwe. Et Gangou, Papi Lokomé, le seigneur de la terre. Merci Seigneur, merci. Madi da tout l'an et puis voyez bas. Jungo mai se fait. Katia vera lotoko ya mpaka na kwe. Ah, meleki. Awe. Pesa mbeko na pesa ki. Pako. Onye meko mandemo. Ata na miso ya batu woyi. Papicho mwikatoni. Eza senga kaka senga. Beleza, garçon suisse, Jacques Tchitchinja. Dieta Kabuya. C'est mon anaka, c'est ce qui est un peu yanga ordonnance. Ya malaria, mon ganga place à qui n'a pas de ce qu'il y a. Kenda wapi. Le roi soleil, kotima yade. N'a l'homme plus même qu'à toi. Wapi moi yanga na bi moi. Liko bolongo. John Mbo janvier, kama jidite wendo. Mama lo baka na si kaloboko ko salaka li konti ya famye. Ya kasali so dete matoko kani mu yambaye. Alpha Moku, Zana Dodoli, Dede Mabiela, Doble Saint-Omaye. Iyo Kanambour, Burukin Express. Hélène Kapaya. Batika jida baluka kobo masengaye Pazwa kapola munanga sima bazo melangaye Charles Dangui Nalingaka balingaka ngaite anga mawaye Mpasi ya kimbangu Mawiko siya teba kimbangiste Zamba lopa Bina balingana, bina na bina bina balingana Kona mokili baye babo zali baye kolinanga Jean-Marie Lokanga. Henri Papa Kitata. Zozo Moutens, la métropolis, Kina, Kina Mbouidi, Petit Avienaye. Philippe Kazakou, Yona Bavon Bobino Makengo, Franck Kando Mams Kamavwa qu'on a salon des artistes. Lokola mobola inakotika mokili yango malgré bampasi nango Cédric Isombele Lac mon façon à lela y est vraiment bouyoka la tasse qui nzamba sala ki fulu na linga ki na simba bisimba simba na koma fu na bwa na fulu la tasse qui nzamba sala ki medikamo mbele no samu na ngai paya ya we a komisa ngai seko moto a bokono mpona melade a vivo ntema ata soki ozwa komi prisonniere nakoyekolaki avoka mpo na defendre ye azalaka vraimen gro bebe benito bebe nga na nova ye nga belinga nasalela ye vraimen porte bebe ya mikolo nga na mema ye na motema nazalaka lokola mwana moke moyo mama bete ekoko akolelaka toujours kaka na nkombo ya momo ade ya mobimba vuma omona moto kwa ade motema nanga olingo na ye eloni nzete na motema na ngai komi kobota bambuma elengi lifelo elinga ya kobwakela ngata soi ava nazika nazala delivre chemin de la croix oresuscite ngango ade ozalaki lokater na motema lelo simi fungolo komi propriétaire le passé nazala qui n'est tout mal à bannir et l'on a comme on lia ma faute à elengi mouté ma nana aux ongis sin envie quitte qu'on a eu vaccinanga contre tout autre amour carrière à ma lingue souké par ailleurs quitte qu'on a eu tiens garde fou la fond d'amour nana moyen à quoi y'a la série qu'elle veut à d'elle Marie s'est levée Olandeli makambo yango nzete mosusu miso okanisa lokola ekauka nzoka maboko eyebaki kosala nango te ade ozongisi nga envie na désir na elengi ya kovivre ebatikala nga ntango ninango joli mayala basir mo baza ba côté kuno bika basir ba rabajar mo ba jalouse wana basali mali kemba na ba ba musu baza ba mokolo ba me musu vie ba mikoli ba musu ba mokoli sikoli kele mango kombo ya gb oh yo ka jar foti ka basir wana nga siko na basir wana za bien tendance très très très fort na sa ka erreur na lekana nzela moko ya za o leka we bika nde balo baki babetaka lisolo ya sapatu te esika moto akata na lokolo azali ko bakomprendre nga batika nga na zika soki na kosika abiozalaki lokat mbuma yelengi Ana lukuluku na Lisbona Ebeluti ilanga Dani Wichi Bob Maswa www.com Bolingo, bolingo, yonde limiananga, kina kina vidi jaloux aizana.

motema na ngai oyaki lokola sonzo osali nga mabe bungi na nga lendisa motema sheri kokoka te kokwisama na mitambo abambana bungi wena minata boseka nga te nazomeka yo mokolo maki okomema nga na moko moe tokatisa ebaleti na ngambo esusu tokoma na katikati obwakisi ngai nakomi oteba te pasovetage te foto ezanya yo te mabe ezali yangaie ifale panali adeno na espri ya soso babi tete kanal kina yokoki oyeba soki oza premier amour ya moto e kasi garanti ekozalaka te washington ke okoya kozala dernier amour avii na ye awa mpe ko ekografi ya sentime ezalaka te verite ya motema moto na maboko ya nzambe totikaka kolota koleka mona ya mbonge Véronique Binda, maman bébé LS. Nakoma qui convaincu que vous allez me sentir. Potongonion son inventaire, c'est à ma bérangaï. Oyo salinga lelo, nanimi kapska pangala. Que yo zwa pota manévre mon ande kote. Yo zala ki oloba que yo zali seron Christ. Vérité bimbi lelo yo zala ki non seron prise. Marie Luzo Kunji. Marie-Louise Bolumbu Natangi soyi monoko ya kizenge Kobo nango teki angola uweze ya mitula Aka kolinga kole kata tombola Yo teki maprima ngondo na zano ya mpokwe Na komyo tambola zero metra na liwaye Yo komisi nga sherifa mako taponaye Washington, Bunchi Moloko Gabel Chiteya Militezo Ade Dayoni Botune Langa Washington Moto Mosusu Mona Mokolo Mosupo Mona Mokole Me Mosu Mona Vya Mokoli Me Ami Pesi La Boli Yo Moko Zui Numero Na Yo Opesi Na Benga Reponder Na Benga Reponder Me Change Kara Numero Ti Mimi Dispi Patricia Lekai Modogo Botekol Nayo Jeje Fula Mambo Wibi Kimo Pao Kano Kaka Liboso Kene Otikanga Liboso Kene Otikanga Lakisa Mboka Oyo Ebomba Sekele Aliwa Lukelanga Libongo Oyo Monte Mananga Eko Sema Oasi Onsa Vilanga Izwa te merite ya bolingo na pesa ki yo Washington Bunchi Il est de jour comme ça La first lady Edith Lucie Tito Mopao veni moto na katia bato Savez-vous que si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde Personne ne parlerait à personne Eric Ndala Richard Kabbala Kibambi Shintona Tropicana L'amour toujours. Liboso kene otikanga. Laurent Lorenzi. Liboso kene otikanga. Simobongo. La kisa nga mboka oyo ebomba sekele ya liwa. Alain Barakuda. Ukela nga libongo oyo motema na nga ekosema. Assurance avina yo. Eswa te merita ya bolingo na pesa. Washingtona, Washington, Washington. Ami amisi. Yo kini maleki baloba ozali te o Onyoko nyoko la mwana mondinga abwe Washington love of your mare no mae Mama Washington love of your matiri zema Eme Washington love of nisa fime sima Washington love of your mare no mae Washington love of your Els Kasai. Club Diamant chez Stéphane Moutamo. Thierry le populaire. Simba, Mbuka, Beya, Bumbila, Valente, Bangu, Sempo. Salou mon super mec Vitignon Samba Santos Kikaki Ambagou Brigitte de Makanda Zero Food Nancy Wash kaku ikolo ya nzete bakosale nakaye musaka te soki na nozwi ete o ce n'est pas possible la sultane violaine qui sévit kaku ikolo ya nzete bakosale nakaye musaka te soki na nozwi ete pe azo degele Marie Claire Candé Marité et Voloko Est-ce que au balanga Est-ce que au balanga Bambéa Zorégué Est-ce que au Pessambou et Panadiso Marto Bambou Est-ce que ma parole n'a pas Basi Bali en bongo na yoye Oka au balanga Et bongo dirige ma Bambéa Zorégué Angèle Témoué Yeah. ici on travaille. Oh zobelate, oh zobelate, moi qui n'a hôpital, on a docteur pour la nîmes. Hein? Isabelle Nkese n'a pas dit le wimba. Gouvanda, gouvanda, gouvanda, diamona Willy Dimbena. Gye wazabana, gye wakuyo kudi. Zo, ha miziki ya mopawe. Mizi ya baka miziki ansidi. Ma belle mazik. Ah, sebele, za, zambeko. Ya beso versi, ya chondaki. Wapiti wabwa isi alani. Amadou Diaby, Mohamed Kanyasi. Gouvanda, gouvanda, gouvanda, diamona Zimbizia. Nge wazavana, nge wakuyubudi zo. Chose de gamme, woya bichu wengwe. Mbizi ya baka nola zema zidi. Ah, sebele, za, zambeko. Ayibina, za, za, zambeko. Luma be, le, mshima kwa mamoro kodo. Kukutu luma be, le, kawa wakako wakala. Mada kusaka kumbele mbele kuba ya ya ya ya mazimbo. Presse ma plan, il faut écho ma caca. Mohamed Kanyasi. Gouvanda, gouvanda, gouvanda, diamona Zimbizia. nge wazavana Mero Kito Nge wakuyubudi Zo Chose de gamme Woya bichu wengwe Mbizi ya bakano la zema sidi Ah, sebele Za, za mbeko Ayibila Za, za, za mbeko Luma be Le, ushima kwa mamboro kodyo Kukutu luma be Eka wawo kako wakala Mada kusaka kumbele mbele Kuba ya ya ya ya Mazimbo Express ma plan il faut et comme kaka Putulu ma bele kwa mushima kwa mamboroko Putulu ma bele kwa wonga kwa wakala Mbele kutaka kumbele mbele kuba ya ya ya ya wanze mwako Ya nipo kusetiko ya vijo milangwe Ya vino arone ya vishele mahala Grand prêtre yo kampe la jarobere Itike ya mobali ale lagate yo moko lobate Sango Fosten Zongo Efra Kata Tous à bongo le système de babor Et qui ring aux ors de Zimagola Ok, bon tout, hein Vitamina nini Dini ya mungu ya e kachaka na ima kule ngelanyo Lelo na lobi La Martine Verlaine Baudelaire De là où on est notre E kachaka E kachaka nga me moi Na watro kananga ebitibaya Tenge kusuka vraiment Kolingali vitro Kali longa de la maya Gila kita Nalingi C'est vrai nga nalingi Zambe ambalo yo sokira bukiro kuta Pesanga etundu makorali wala ngaye Moto alela ngate moto pete ayo kanga mawa Na kende nga mokola nzela alilita Na boringo nanga ye ye ye ye ye Kachaka Iyo ina irama Imbwa akamwaka singa ya loketo Kasi oya kingote Ya koko misanga na suka Zawenga na tunananu Usala bamewe, ekip sole Sonzala boye Oh yeah, yeah Basamba na bibale Bandeke na bibwele Zambo sala shibi niagara Si osala ki te satisfaire Moye kosale kachaka Merci potie na maboko mama Jean-Dominique Okemba Le spécial Kolinga te yeye kachaka Makila nangeta Bongo ya kolinga Nana na kechope Lobe lange kachaka Lilo boy orena Lobe la karuwa senalito ye Oh bazua Bolingo bateka na zanga kambela ye kachaka vole milie Barcelona Ayoui, pesa nga ye kachaka tala mwete na yo Mpona nga isa sifi Ye kachaka, mama lubaka soki bolingo ye loko ufile E ipo mutu akoka kosumba yangote Boni yo sanza na komikuluka yo na torche Tolo pamba pe fololo na loboko wa mobali Ye kachaka nga vwema ye Mawato kananga na ibite na iram Ninge kusuka vamo kolinga ile kitu Talelanga bela mariango Ayo lili, ayo lili, ayo Ikachata balanga bayi babala kipresi Bako mo regrete pe bayi babala kate Bayo kaposa koko voli Justement, Hugo Golondeli. Ayou, ayou, lelie. E kachaka balanga bae babala ki prese. Bako mo regrete pe bae babala kateo. Bayo kampo sa ya kokonvole a justement. Vitamina nini. Oyo na melana koma suivi da mabo. Dinya mouye kachaka na ye bako lenge la ye Lelo na lobi Ana maitidia Ya wenga na tunananu Yo salaba merveille Eclipse solaire Sanza na mouye Yelenge vanda ke pa na biso Basamba na bibale Bandeke na bibwele Zambo salashu du Niagara Si on sala qui te satisfait en goye con sala y kachaka Et si on tiene ma boko mando Gigi lo condesa, nono yengo in London Kolinga te kachaka makila nange tanga bongo ya kolinga nga ye Lobela nga ye kachaka lilo bayo rena lobela karuwa sena lito ye blandin malila Sanga e kachaka tala mwati na yo Ponanda sa sufi Bozua, bozua Daba bolingo bo peta clarite bomboko Tedi litonzi, telo zemanga A kanga mawe na tumbela nenge nini poli misanga na lela nenge nini potala tasima awa ko decision na yo mayebale eke na kamala moko ezonga kate yo ravise fatake ravise Jean Petro André Olela Verset Ninia Bible n'entend un po olimbi sanga. Allez Barakuda. Miami sofoti le balukama kilampo yokamawa. Awa kosi yokomi singa imoto mosusu. Zela peko yoke na kiesa sans unique. Rami Amisi. Yonzoni waye. Fata ki la visa. Et même Mbayo, papa na Jean-Baptiste Mbayo. Zame pourquoi vraiment salamo kilibouye. Yoponi kaka mote ma rotie bolingo kuna Awa peko mote mezala ka irremplaçable Talandenge komyonyo kolonga iputu moye Alors que soki otia kiangwata na makolo Nena kati oyanga makolo na mbosana Mapasi ya amu Tiola, en tout cas, aussi au Yébi. Si vous êtes là, vous avez un peu Don Pierrot, toujours à la page. Jackie Bogambi à Vanga. Et le papa Tobo Zobé Salangando. Les dons à réfléchir, à la pessie et raison. Akima Kimboula, na Katia Ebali. Sana na bama tanga yangu late Nenge moko na zosema yotu bandela Yope sanga gam complete ya bolingo na yo Na boba pseudo amour oyo e suenta kai Oye na kisanga banda boya sentima Yangu na ye pa na yo Robert Ravisa Songe la mai mayo Dike kalukemba Sami Kalukemba, Jani Mavanga, Nganda Mama Leki na Londres, Global Express. Souviens-toi, bien-aimé, rappelle-toi, Ravisse. Ozala qui soki pour les onoko, mon vélo, comme Madonna. Baka Mapula, Tokuta, la soki joua, Ozala qui oyo. Yavande, voyons, Nama, ou comme mon ama, Baba, les Jean-Marie Kassamba. Voisine Dembo. Elles ont supporté tes co-vivre sans toi. Ntango na zala ki na mambo kwanzo niwa. Tendresse zala ki éclaireur ya bolingo. Douceur na ye défenseur ya l'amour. Atiaka fondation infidélité. Clovis Katumba. Na koma ki o passe na moi paradis na nga sur terre. Yora vie. Ravisse et Yonzoni wa Bien-aimé, vous en posez à la nuée à vous préférer Yoko salaba démarche, yoko kosa même ba soldat Yoko salimwa, awa kondi po matika yoko leka Yoko matie panami, sa so ki jo anwe zala ki oyo Yara te voyo nama, vous kompome mon ama, pa valelo Claude Mosaï Ope ravisse, yozali Ravisse mon sucre et ton miel Mère Chanta Awo comme Alpha Omega Bando Tobangae Genèse P Apocalypse Oyaba pensée Nangae A chaque parole Nanga Kaka Kombo Nayo refrain Na tout Alibaku Kaka Kombo Ravisse tout le temps Yo Ravisse Yo Ravisse Freddy Mayabo Ineki Toujours toujours Papa Denzel Ça. Y'a des nombres, y'a des bébés, oh, yo, yo. D'amour et d'eau douce. La zone est là, comme la mise est cotangangaï. Pour la boulimbo, la paix, ça qui a les ans à réciprocité. Yoko singa yina ba serment d'amour. Oui, comme un kata et pas un zambete. Yamé okoli, yamé monte maïmo, comme à la place à kate. La si en boule la kotoko choc, il est qui m'a cassé. Talangamba la mi balete pardon mi tiene si karanga papi chongo we katone I love you papi osala yo kende kozongera bolingo na yo yakala atikeli ontango si mamikolo yanga pe kokoma yakala okulu kozongera nga kasi na kolimbisa yo lokola balimbisa kamoto awe salaka na mwako yepa eno kitoko zanga nzoku bona likelele Omote mananga eba eba deception ongo d'amour Via mwe si ezali komplike tango na imu kuse Papicho ke mweka chole Fote nyoso yanga men pone linga kiyo Amo pli grande fora koka kateko bimi Sase ke jere sana moke ba papicho mweka chole Sandra Kameke prend papicho par la main Pasia yo nazali komona na motema na ngai Motema na ngai kotanga makila lokola mona nzambe sur la croix Lokola mpasi bana Israel ba mona kana desert Pendant 40 jours et 40 nuits Ako kasa Si m'enfonde a ta je tiens on y m'attelle Pona bonheur yaba Christo fote nyo soya ngai ne pona Moloko liboso, moto na kati imbwa na sima Nani azola na nani, pacho moloba silence d'or Eloge de l'île Tanga kombwa moto alinga kaye pa yozali Fungola bolingo papicho ezala maboko mayo Gérard Land ou l'espoir de Chicago Avanza na mame banza chéri ke na linga kayo Matango la bisango ibanga na zo soufri Patrick de Panama, Papi Tukuzu. Angweta na kalaka kofu mwalanga yata minyoke Mwungu wa bolingo ata imwa na tongo mafungo na kai Singa, Papi Tukuzu Na tongo ya bolingo mtukarasi yako madenge Mandengo zoke na nama kalatuko ya koko misanga Mwenge Zagle Chishimbe, Mayuyo Lambemi Jambo sana moto upesa neima sentimo Upesa na tondresi Fuero de Souza Tango meka kinamona kina isu kalye Maloba baby zaleli na vieza ki abanjelu Lelo na tielungi ayudo lobinga na komi pololo Angele Moussaili Makizene Matango zo sakana peko bina na katia butu Yeba kelke parka kana katia meme butuango Mwana mouni ngamporan yazo soufri na misole Desite Massera Papi Tchou Mweka Tone Aimé Umberto Anita Anissé Pembele Zimoutou Pégon Zio Ernesto Martin Mademana Jean-Marc Nzita Gofin Kangaï Rento Vena Papi Menga de Vandame Trésor Chambre Jean-Pétro André Olena Deba Banikina Bola de Bundes, Issa Japan, Laure Malalou London. Kive, kive toi, Ivana Loa. Arieto Kapangala, le champion, l'homme à la Rolls, Azako Tiola, Seko Tiola. Eba. Tonton Das Mampouya de Paris. Lorsque la saison s'échauffera à tarir toute la rivière. Je me ferai tout ce qui fait mal au corps humain pour pouvoir avoir assez de larmes pour arroser le jardin de ton amour. Soki penza mea sala kanga obo destiné sena bolingo ya tabu fatu étoile nangi salamana formé à tabu fatu. Tope batia manivelle na mote manangwe et tourna kana sose ya bolingo na ye et komi sangre esclave ya l'amour a tabou fatou a yebite. Ne me donne pas ce que j'aime, donne-moi ce que je veux aimer. Salakanga machine, on a coproduire uniquement bah je t'aime tabou. Est-ce que va créer à Kanga Misewa Bolingo orienter na direction mia cible tabou. Na koma bonne envoûte na jamais na yo. Misoso que mon yo se wenti gaga kozala. Mbapa si nyo songa na mone na yo tabu. Abo moni nga initele miso na yo. Patwani ya bolingo tabu fatu. Beko nyo kina nga misala pape. Tabu moto na lingaka lingaka ate. Azolu kela mandela ye lilika nanga. Tabou Fatou, quand on a un peu de jeune résonant à Pingati. Bapine la prisonnière, n'y a son abolokoé. Kasimo pépé, te ou maman compresseur. Atalo kola na kangani la bolingo na yo. Tine langa si oxygène, n'y a un beau bolingo na yo. Sauvé ta libiki nanga. Abs kapangala na ferrari sonne. Oh lolo mama saki na pesa ki balinga na ngaya tangi tanga de ba chakre yo kamoninga tamawa alino sene tala jeni ferilito bacho mabiala e serge paluke e mame ya o gile pulube. Motusei molayi pememo ino mechala la linga na za diplome na ngote na change la longwe na la religion ya bolingo mado mado vae ale ma gema e dasha zina kumbate yo yebite nengelo langwe nengelo langwe nengemo Thomas Manzale et Ma Fujiwara. Gastino Mangala, l'ambassadeur au Canada. Edo Moog Service Maputo. Boutique Moog Service. Niam Niamalembe. Rosette Danga et Pierre Léo, le couple de Brazzaville. kaka na lelo ya bona kaluji. Nazomeka, Chalet Chamba, Chéri nangolo bako sambe la kaisko ibiko Olimwe kwa mama na bibia Yango tozo sangela Linga mo linga Tokolo ni linga kae Angel wazana mapapu Angel wazana mapapu Kasi matiaka ye molongo moko na maneke Restera toujours l'amour Autoria ban passe la nuit et face les combo nanga na bongono et pourtant yo la kaki ma ebeli yo lo bakianga no ba parents souka ba bengana solo ba bokino bande kwanga no ne ba se meki lisu minyo yo na ina buki elanga l'amour izanga bolimisi Ferrari Te ponga na zatonga moke Nesoso kokwa komela ngai Freddy Chibango a jetra de frette Kisi Lola na Boulange Mathieu Stilanda te na wele Na Charlotte Olivier Saya Thierry Kabuya Campo Mwanza José Onokoko Olivier Bila de tous les motivés Robert Braza Jalo Pétrole Lingoy Erickson Mumbanga Michel est tout le meilleur. ya misi Moke moke de katonga kazala Et même bayo de Bruxelles La moto qui na yoko ya kozwa li foudre Alain Barakuda Système abonde komi samira nenge aza Yo samira zape azwe Na Londres Volonté anza Les kounyate la Simon Bongo Les prêtres et l'étoile na ye Bosa la papa pe mama Et l'étoile zete de ira Chibo Apula Jusqu'à le samba Chalo Pondo Samba de Debo Kelly José Biambo Bibiane Lenge Touma Mama Botana toujours à Zala Kyoboya Ce qui a zonglé samba Maïe Zala na Mesampa Soki na Meli Maïe Na Kobanza Tenga na Koni Daniko Suivre Bosco Boble Jacques Nzongo Moke Moke Didier Taka Mundibu Na moto kina yoko ya kozwa li Bongo kuba kolo mabanga Sistema bonde komisa mera ndenge aza Fanta Ale Nasa mera zape azwa e Volonté azabe Jésus de l'Ombre Ete ba fobule Chaque étoile na ye Osa la papa pe mama e En étoile se te dera Chirac Makayabo Elo kwe fungwa maligo li fungwa manaste Didier Kandi Zidane Tonza mbake lati Saka yona nkoi na zamba bakata mwone langate mwana Sous-moi.